Je pense faire rabateau, je conduis rabatteux, ça sort les métaux, ça veut s'abattre. Pas de Dolce Gabbana, eau de marijuana, quand je passe à la douana, mental Tony Montana. Je pense faire rabateau, je conduis rabatteux, ça sort les métaux, ça veut s'abattre. Pas de Dolce Gabbana, eau de marijuana, quand je passe à la douana. C'est un braquage à l'anglaise. Poto, je suis chaud comme la braise. Là, je fume la veille à la fraise. C'est de la bonne, c'est de l'hollandaise. Après, t'entends les pimpants. T'es pas un traître. Sur le sur ton temps. Après l'album, ça revient pépant. Tu familia, sors le peupon. Je suis dans le 13, que je fume le bon. Que je suis des bons. Je crois que j'ai un dent. C'est pour ça qu'ils ont une dent. Contre moi, maintenant il est temps. Je l'ai niqué, ils veulent que je m'éteins. Moi, je m'éteins. C'est pas le show, poto, tu dois t'en. Et en plus, le mec il attend. Là, je plane comme Aladdin. Je sais pas si c'est la peau ou s'il y a des latences. Cette année, non, y a pas de vacances. J'ai tout niqué ma conce. Grégo, j'envoie le pas de danse. Les bras écartés comme un vatos. J'ai plus le temps. Là, je suis dedans. Que des TP, pas de mi-temps. La tête dans le guidon. Bleu au citron, dans la vidon. Oh, mais putain, que je bétonne. Ouais, sur pépé, que je charbonne. Pendant qu'il me joue les égones, hein. J'suis pas le mec, j'suis pas mon Québec. Je rappe sec, tais-toi, je rec. J'taffe pas les pecs. J'peux plus faire les pics. Une 20 pour mon check. J'ai pas de mon équipe. Trop de bons écroués. J'sors les chaussettes trouées. J'ai toujours approuvé. Leur bec, je vais le clouer. Là, j'peux faire un bateau. Je conduis rabatteux, ça sort le métaux, ça veut s'abattre. Pas de Dolce Gabbana, ou de marijuana. Quand je passe à la douana, mental Tony Montana. Je prends mon snappeleux, toi tu fais le vaillant. Et quand t'as une ampoule, tu me dis si t'as le numéro, l'autre appelle-le. Ouais, je m'appelle, je suis ta bête, t'es ma belle. Les jaloux m'appellent, tout pour ma famille, mon label. Mentalité, la haine, à la Vincent Cassel. Ça se bat, ça guette, ça cab, ouais, debout sur la selle. Plein d'embrouilles, plein d'actions, plein de poussettes, de trahison. Et ça m'agouille dans la zone, moi je me prends la tête avec mes corazon. Et je m'en fous, ça me rend fou. J'sais plus qui me voit en humain et qui me voit en sous. Cloué, j'pense faire rabateau, je conduis rabatteux, ça sort le métaux, ça veut s'abattre. Pas de Dolce Gabbana, ou de marijuana. Quand je passe à la douana, mental Tony Montana. Là, j'pense faire rabateau, je conduis rabatteux, ça sort le métaux, ça veut s'abattre. Pas de Dolce Gabbana, ou de marijuana. Quand je passe à la douana. Ya, ya. Ah ouais, ouais. Giuliano, mon pote, en direct.